Je vous l'ai déjà expliqué dans des rencontres, dans un séminaire, ce que j'ai vécu comme expérience, c'est ça, pas avoir de limite. C'est être capable, en tant qu'être humain, en tant qu'être, dans son intelligence et dans sa volonté, de faire valoir sur le plan matériel cette intelligence et cette volonté-là. Si t'es moindrement astral, elle passe pas. Des gens qui me disent je suis pas capable de parler. Si vous êtes pas capable de parler, c'est parce qu'il y a trop d'astral. Vous êtes pogné dans votre personne astrale. Si vous êtes pas capable de parler. Il y a pas un homme qui est pas capable de parler. Vous êtes tous des convocats. Si vous êtes pas capable de parler, c'est parce que la personne astrale n'a pas été suffisamment transmutée. C'est ça que vous parlez pas. Si vous ne parlez pas, vous ne pouvez pas créer dans le monde de l'échange, de l'énergie et avoir un feedback. Donc, c'est ça qui force, qui vous met dans des situations de vie qui sont limitées parce que vous ne parlez pas. Vous ne pouvez pas sentir que vous n'avez pas de limite si vous n'êtes pas capable de parler. J'ai rien à dire. Tu peux pas avoir rien à dire. Le double a toujours quelque chose à dire. Mais s'il est bloqué, ben, vous avez rien à dire. Pensez-vous que ça prend de l'éducation pour parler? Ça prend des gens. On peut faire de l'éducation, des gens. Il y en a qui parlent trop, c'est le contraire. Arrête pas de minute, des vraies machines. C'est encore la personne astrale. Ça va des deux bords, c'est un couteau à deux tranchants, c'est la dualité. Il parle à partir d'ici, il parle pas à partir de là. Sans l'insécurité tout le long. Il y a une directe relation entre le pouvoir de parler créativement et le pouvoir d'atteindre cette conscience où l'homme réalise qu'il n'y a pas de limite dans sa vie. Une directe relation, directe. La preuve, c'est que moi, je parle tellement, qu'aussitôt que je rencontre quelqu'un qui est dans l'industrie auquel je parle, il veut me donner un job. Fait que j'ai pas de problème. J'ai qu'à parler, j'ai un job. Parle d'un job, parle d'un job, parle d'un job. Parce que je parle. C'est ça, j'ai des jobs. Puis je refuse tout. C'est mon privilège. C'est mieux parler mal que pas parler pantoute. Mais c'est pas facile de parler. Viens en parler, toi, Claude. Viens en parler, c'est. Parle. Viens parler. Parle. Pour parler, il n'est vraiment pas nécessaire d'avoir une idée claire sur ce qu'on dirait tout à l'heure. Il s'agit tout simplement de commencer et d'exprimer ce qui vient. Comme une vague qui peut se voir sur un lac et qui se sent aussi dans la vie par l'énergie que l'on peut sentir tous les jours à travers différents événements qui peuvent être simples ou complexes, mais c'est la même énergie qui ne se fait pas attendre lorsqu'on est prêt pour l'exprimer dans un échange qui est dirigé par le double et qui ne provient pas d'intérêt personnel. Et cet échange produit par le double a toujours accès à faire vivoter des aspects très importants de l'évolution des personnes qui sont en contact avec vous lorsque le temps est déterminé par le double. Il dit ce qu'il avait à dire. C'est limité, il y a un temps. Tu peux pas parler plus, il n'y a plus rien à dire. S'il continuait, là, ça tomberait, là. Un gars qui ne parle pas. Tout le monde peut parler. Et tant que vous n'apprendrez pas ça, tant que vous ne saurez pas ça, tant que vous ne pourrez pas ça, vous ne pourrez pas comprendre vos absences de limites. Parce que dans le phénomène de la parole, il y a deux aspects. Dans le phénomène de la parole, il y a le pouvoir de l'énergie. Et dans le phénomène de la parole, il y a la compréhension au niveau de l'ego qui parle, de la relation entre le double et lui-même. C'est pour ça que je vous disais, entre vous autres, c'est très important que vous parliez. Parce que ça vous apprend à mesurer la relation entre votre double et votre ego. Ça vous apprend à mesurer l'intention du double qui n'est pas l'intention de l'ego. Ça vous apprend à mesurer le temps que situe le double pour son actualisation à travers l'ego. Ça vous permet de mesurer le temps où vous allez devenir actif dans la vie au niveau du double à travers l'ego. Ça vous apprend à comprendre éventuellement votre destinée, la mesure de votre temps. Ça vous apprend à comprendre éventuellement votre avenir, à voir votre avenir, à sentir votre avenir dans le temps du double et non dans le temps de l'ego. C'est jamais l'ego qui doit parler, c'est le double. Quand il arrête, l'ego sortir, il se retranche. Quand l'ego commence à prendre conscience de ça, quand je parle de parler à partir du double, je ne parle pas de parler à partir de l'ego. Il y a des gens qui parlent à partir de l'ego. Ce n'est pas la même vibration, partir à l'ego. Parler à partir de l'ego. Parler à partir de l'ego, ça ne mène nulle part. C'est la conversation, c'est le faire. Mais parler à partir du double, c'est une autre vibration. C'est une nourriture pour celui qui parle, c'est une nourriture pour celui qui écoute. Ils disent qu'un homme qui ne parle pas à partir du double est sans puissance sur la terre. Il est sans puissance sur la terre. Parce que la puissance, le pouvoir, il vient du double. Alors le double doit manifester tous ses aspects. Un étant l'intelligence, l'autre la volonté. Coordonner l'activité de l'ego, ça devient la parole et l'action. Alors c'est très important pour les hommes de réaliser ça. Ils disent que le double doit parler. Il doit parler, le double, pour rendre l'ego conscient de lui-même. C'est quand le double parle à travers l'ego que l'ego prend conscience du double, donc que l'ego prend conscience de lui-même, donc que l'ego se connaît lui-même. L'ego se connaît à travers le langage qui est manifesté par le double. L'ego ne se connaît pas lui-même en pensant, puis en s'analysant, puis en réfléchissant sur lui-même. C'est en parlant que l'ego se découvre, pas en pensant. L'ego ne peut même pas se découvrir en parlant avec le double dans sa tête, qui est obligé de parler à l'extérieur pour qu'il se découvre. Parce que le double, il est sans fin. C'est infini. Dans son activité. Donc, s'il parle, il établit devant l'ego la gestion de ses affaires. C'est-à-dire qu'il il rend compte à l'ego de ce qu'il peut faire, de ce qu'il ne peut pas faire, du temps, et ainsi de suite. Il fait, c'est une gestion. Moi, des fois, je vais dire à ma femme, parle-moi donc. Elle me parle. Ah, on apprend quelque chose. Il ne peut pas aller dans ta tête et dire, mais parle-moi là. Il va dire, tu le parleras tout à l'heure. Parlez. Sans ça, ça reste dans ta tête. Ça devient du matériel mental. C'est éventuellement dans la tête. Parle pas, lui. Parle pas. Parle jamais à ce gars-là. Parle. Quand tu commences à prendre conscience que c'est le double qui parle, que l'ego n'est pas là, à ce moment-là, ça passe d'une étape à une autre. Du langage parlé. Tu découvres ce que tu dis, tu apprends ce que tu dis, tu réalises ce que tu dis, tu corriges ce que tu dis pas. C'est ce que ça veut dire, ça, corriger ce que tu dis pas. Ça veut dire corriger, ça veut dire dire ce que tu n'es pas capable de dire. Il y a bien des gens qui ont des affaires en dedans et sont pas capables de le dire. Autrement dit, ils ne sont pas capables de corriger ce qu'ils disent pas. Il est temps que l'homme corrige ce qu'il dit pas, parce que c'est ce que vous disiez pas qui est important que vous connaissiez. Ce que vous dites pas, puis ce qui reste en dedans, faut que ça sorte. Vous vous demandez ensuite pourquoi est-ce que vous êtes tous pognés ici. Ben vous le dites pas, dites-les. Donc éventuellement, ça amène l'homme à pouvoir parler. Et quand l'homme a le pouvoir de la parole, il a automatiquement le pouvoir de connaître son absence de limite. Autrement dit, la limite très vaste qui est régie par son double et à l'intérieur duquel l'ego a amplement de terrain pour fonctionner. Vous allez voir, quand vous allez parler, c'est un pouvoir parler, c'est pas une parler, c'est un pouvoir. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez parler, ça va changer, la vibration change. Des fois, vous allez parler, ça va être un petit peu poétique, les vagues. Puis ensuite, ça va changer, ça va devenir philosophique. Puis ensuite, ça va changer, ça va devenir très mental. Puis ensuite, ça va changer encore, ça va devenir encore plus mental. Puis ça va changer, puis ça va changer, puis ça va changer. Un jour, mais t'es un scientifique. Tu parles. Quand tu peux parler, ben tu peux écrire. Quand tu peux écrire, tu peux faire des plans. Tu peux monter. Si vous n'êtes pas capable de parler, vous ne pourrez jamais savoir ce que vous savez. Vous saurez simplement ce que vous avez en mémoire, que vous avez étudié à l'école. Donc, vous ne pourrez pas vivre une vie qui convient à votre intelligence réelle, votre volonté réelle, qui n'a rien à faire avec votre corps. Ou que ça a d'affaire avec ce que vous avez fait à l'école, ça renchérira ce que vous avez appris. Mais parler, c'est tellement occulte, parler, que l'ego, s'il n'est pas ajusté au double, quand il parle, il va fatiguer les oreilles. Il y a des gens, c'est fatiguant, ils entendent parler. Parce que c'est pas ajusté. Ça prend beaucoup de résistance pour écouter des gens parler. Jusqu'à temps que les gens parlent tellement bien que là, tu apprends quelque chose. L'insécurité de l'ego est directement liée à son incapacité de parler à partir du double. Qu'est-ce que c'est l'insécurité? Qu'est-ce qui crée l'insécurité dans l'ego? C'est le fait que le double ne parle pas à travers de lui. La fondation de l'insécurité de l'ego, c'est dû au fait que le double ne parle pas à travers l'ego, que c'est l'ego qui parle, qui jase. Si le double parlait à travers l'homme, l'insécurité dans l'ego n'existera pas, donc les centres seraient totalement ouverts à la volonté et à l'intelligence de l'ego, donc l'homme sera dans le monde, il serait créatif, il fonctionnera full speed. Alors, le travail du double, c'est d'amener l'homme à pouvoir parler. C'est un des grands travaux du double, de la partie cosmique de l'homme, parce que le pouvoir de la parole est très important sur la Terre dans la nouvelle évolution. Très important. Un homme qui ne parle pas à partir du double ne peut pas découvrir son identité, ne peut pas connaître sa volonté, ne peut pas connaître son intelligence. Ne peut pas se mesurer aux hommes. Donc, qu'est-ce qui se passe quand un homme conscient ou un homme qui va vers la conscience ne peut pas se mesurer aux hommes inconscients? La personne astrale vide, il se découvre une infériorité, une insécurité, quelconque. On est très susceptible à l'insécurité et à l'infériorité psychologique, nous autres, les hommes. Très. Très. Il s'agit qu'on rencontre moindrement des gens bien éduqués, puis là, on frippe. On ferme les volets. La course à l'éducation dans le monde, c'est à cause de ça. Les gens s'éduquent pour être sur le même pied d'égalité avec tout le monde. C'est ça, l'éducation. L'éducation. Fait que tu as pris bien des cours du soir, puis bien des cours du midi. Tu te sens solide, là. Mais tu t'en vas en France, là, puis tu rencontres des Français qui n'ont pas d'éducation, mais qui parlent bien. C'est encore une autre crise de complexe d'infériorité. C'est pas parce qu'ils sont tous éduqués en France. Mais je dis pas que les Français sont tous éduqués. Mais ils ont la conscience du langage, c'est vibratoire. Ça fait partie de la conscience nationale. Fait que toi, t'as tes gros diplômes, mais encore, tu te sens croche. Tu m'arrives vivre une couple d'années à Paris pour me retasser. Ça va loin, l'insécurité de l'ego. Parce que l'homme mesure la valeur de son intelligence, qui devient la valeur de sa personnalité, selon le rapport verbal qu'il a avec d'autres hommes. C'est un pouvoir, la parole. Conscientisé ou inconscientisé, la parole est un pouvoir. Fait qu'un homme qui a moindrement la parole, il se sent bien en société. Un homme qui n'a pas la parole, il se sent un petit peu plus mal en société. Alors, pour que l'homme découvre la parole, pour qu'il la redécouvre, pour qu'elle renaisse en lui la parole créative, pour qu'il prenne conscience que c'est le double qui parle. Tant qu'il n'a pas pris conscience de ça, ben, il est bloqué. Bloqué. Et ça mine toute notre vie. Toute notre vie. On ne réalise pas que le double a le pouvoir sur l'ego et qu'avec le temps, le double transfuse son pouvoir dans l'ego. Pourquoi est-ce que vous pensez que le surhomme, l'homme planétaire, l'homme après la transmutation pourra créer des choses sur le plan matériel qui ne seront pas étudiées d'avance? Parce qu'il y aura fusion. Alors, c'est un accroissement graduel de ce pouvoir-là sur l'ego. C'est pour ça que je dis, dans votre expérience, si vous pensez qu'il y a de la contradiction entre votre vie et les forces cosmiques, il est temps que vous voyez à travers de ça. Parce que c'est toute une illusion. Et ça va vous infirmer. Ça va vous infirmer. Ça va vous empêcher de réaliser jusqu'à quel point vous avez intérieurement une capacité créative. Ça va vous bloquer dans vos avenues. Ça va diminuer votre vie. Vous allez avoir des petites vies. Vous allez vous assujettir à la maxime populaire qui dit qu'on est né pour un petit pain, bon, on reste pour un petit pain. Même toi, c'est intelligent. Ma mère m'a dit ça un jour. On est né pour un petit pain, mais on reste pour un petit pain. J'ai dit, c'est ça, continue à en manger, mec. Puis il y a un temps, il aime ça. L'assurance chômage, le gouvernement qui paye, il aime ça. Il reste sur le petit pain. Il n'y a pas un homme qui est né pour un petit pain. Ça n'est une illusion astrale. Il n'y en a pas un homme qui n'est pas capable de détruire son karma, les forces de sa mémoire émotive et mentale sur lui. Il n'y en a pas un. Pourquoi est-ce que c'est si difficile l'initiation solaire, la transmutation de l'âme? Parce qu'on vient au monde les deux pieds dans du ciment. Nos parents nous mettent dans le ciment, les éducateurs nous mettent dans le ciment, puis la société, ben, nous cloue dedans. Puis on ne réalise pas. Puis aussitôt que tu commences à faire briser le ciment, là, il dit, ah, tu n'as pas fait effondrer la société, tu n'as pas fait ce que tu fais là. Comme si ce n'était pas dans la vie de l'homme de par le droit inné de l'esprit de l'homme de faire fracturer ce qui intervient contre son évolution. Fait que les grands monopoles du monde, les grandes finances internationales, la grosse juiverie internationale, les francs-maçonneries, tout ce qui a été organisé pour maintenir le statu quo social des sociétés démocratiques, les chevaliers de colonne, toute la patente, s'organise au niveau philosophique, au niveau politique, au niveau industriel, au niveau des monopoles, au niveau des franchises internes, de garder les masses dans l'ignorance en développant quoi? Des motos, le devoir, le respect et la légende. Le devoir de qui? Envers qui? Le respect de qui pour qui? L'allégeance de qui pour qui? L'homme ne doit rien à personne. C'est l'être humain qui crée la société, c'est pas la société qui crée l'être humain, comme les anthropologues le prennent, puis le pensent, puis aiment à le penser. C'est l'être humain qui a créé la société, mais il la crée mal, parce qu'il n'est pas intelligent. L'être, l'homme, ne doit rien à personne. Quand vous comprendrez ça, que l'homme ne doit rien à personne, vous aurez compris essentiellement le cœur de ce que je dis. Pas la tête, mais le cœur de ce que je dis. Ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas des devoirs ou des responsabilités sociales. L'homme en a des devoirs et des responsabilités sociales parce que l'homme est une collectivité et qu'il y a des hommes dans le monde qui font des choses et qui doivent être remboursés par les choses qu'ils font. Puis ça, c'est la société humaine. Il y a des hommes dans le monde qui payent des taxes pour construire des routes, fait que toi, tu payes ta part des taxes. Ça fait partie de l'ordre dans la politique, dans l'organisation sociale de l'homme. Mais ça, ce sont des choses qu'on sait. Mais les choses qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a des domaines de l'expérience de l'homme où l'homme ne doit rien à personne. Et ça, c'est dans le domaine profond, intime de la relation entre l'homme et les autres hommes. Et c'est là que l'homme perd son droit à son intelligence et à sa volonté. C'est pas la société qui est le problème de l'homme. Non. C'est pas la société qui est le problème de l'homme. Quand même, ça ira bien mal en société. Si l'homme est dans son énergie, il s'en sort. C'est vibratoire. Parce que le double, soutirera toujours la personne humaine de la matière, de son inconscience. Puisque c'est le pouvoir de l'esprit. L'esprit veut se libérer de la matière. L'esprit veut rendre conscient l'homme de son double. Ça fait partie de l'évolution. Mais c'est l'homme, au niveau de l'ego, au niveau de la personne astrale qui travaille à travers ses sens, qui n'est pas capable de prendre conscience de ceci. C'est très dur pour un être humain, surtout aujourd'hui, de réaliser qu'il ne doit rien à personne. Parce qu'il ne comprend pas ce que ça veut dire, ne pas devoir rien à personne. Ne pas devoir rien à personne, ça veut dire être intelligent et volontaire au niveau du double. À ce point-là, tu ne vois plus rien personne. Mais on a emmagasiné tellement d'énergie astrale depuis qu'on est jeune, qu'on n'est plus capable de voir à travers. On n'est plus capable de voir la différence entre le réel de notre intelligence, le réel de notre volonté et l'irréalité sociale à l'intérieur de laquelle on baigne. On n'est plus capable. Dans le langage populaire, on dit on est pogné jusqu'au bout. On se questionne. L'homme n'a pas à se questionner. Quand vous vous questionnez, qu'est-ce que vous faites? Vous vous demandez si vous êtes correct. Vous n'êtes pas correct. L'homme n'est jamais correct. Quand l'homme est correct, il se questionne peu. Fait qu'en attendant, il se questionne. Parce qu'il n'est pas correct. Parce qu'il n'est pas lui-même, il n'est pas centré. Qu'un homme qui est centré, qui ne se questionne pas. On se questionne vers la belle-mère, le beau-père, le curé, on se questionne. Puis on met du sentiment dans nos questions. Puis on se demande après ça, pourquoi est-ce qu'on est appauvri en esprit? Mais c'est pour ça qu'on est pauvre en esprit. On est pauvre en esprit parce qu'on se questionne. Quand vous arrêterez de vous questionner, puis vous agirez avec votre intelligence, votre volonté, vous enrichirez en esprit. Puis quand tu t'enrichis en esprit, tu t'enrichis dans la matière. La vraie. Il y a un phénomène qui se produit lorsque le double commence à prendre contrôle du ou commence à prendre contrôle du corps astral dans la transmutation. Et un de ces phénomènes-là, c'est l'ennui mental. L'ennui mental, c'est très, très particulier. On ne vit pas l'ennui mental nécessairement tout de suite. On peut le vivre plusieurs années après le début de la conscientisation. L'ennui mental, c'est très plate. Parce que c'est un phénomène qui naît du pouvoir vibratoire du double sur le corps astral. Quand le double devient très fort, il commence à neutraliser les vibrations du corps astral. Donc, l'homme découvre qu'il ne peut pas s'amuser comme avant, il ne peut pas avoir du fun comme avant. L'homme devient plus inactif. C'est comme s'il est forcé dans l'inactivité. Et si le corps astral est très très fort, le double est très fort, l'homme est effectivement forcé dans l'inactivité. Ça, ça dure un certain temps. C'est pénible pour l'ego parce que l'ego se culpabilise, et comme il se culpabilise, automatiquement il a tendance à penser qu'il est paresseux. Et c'est pas qu'il est paresseux, c'est qu'il peut rien faire. Il est pas capable de rien faire. Rien le tente. Et ça, je pense que c'est une des grandes... je dirais pas que c'est une souffrance, je vais appeler la personne souffrance, mais je dirais que c'est un des grands à côté de la transmutation. L'ego perd le goût dans des choses qu'il a déjà beaucoup aimées ou dans des activités avec lesquelles il a été conversant pendant des années de temps. Et l'ego est obligé de subir ça. Pourquoi? Parce que l'ego, c'est une composition psychique. C'est-à-dire que l'ego, c'est la réunion active et mécanique d'un certain nombre de principes chez l'homme, le mental, l'inférieur, l'émotionnel, ainsi de suite. Et comme l'ego a une fausse personnalité, et qu'il doit découvrir sa vraie personnalité, sa réelle personnalité, dans le cours de la transmutation, selon son plan de vie, selon toute sa situation qui est connue du double, il va subir un arrêt. Et des fois, ça peut être un arrêt très presque total. Moi, j'ai vécu l'arrêt total de mon activité au niveau de mon corps astral pendant des années et des années de temps. La fusion est plus efficace à ce niveau-là que quand l'homme va lentement vers la fusion. Mais le phénomène est le même. L'ego vit un arrêt. Et pendant qu'il vit cet arrêt-là, il semble qu'il perd sa capacité de s'auto-gérer, de faire ce qu'il veut. Il est bloqué, c'est pas de sa faute. C'est pas un blocage psychologique. C'est un blocage qui est vraiment vibratoire. Et c'est très important, ça, dans la transmutation, parce que ça permet au double, autrement dit à la partie lumineuse de l'homme, de prendre contrôle total sur la partie sombre de l'homme. C'est réellement à travers cette expérience que l'homme vit la mort de l'ego, ce qu'on appelle la mort de l'ego. c'est dans cette expérience que l'homme vit le plus profondément, dans un sens, le pouvoir actif et créatif du double contre l'ego qui rend automatiquement le double inactif. L'activité du double, du corps astral ou de l'ego, avant la conscientisation, c'est une activité qui est basée sur le corps de désir. Et le corps de désir se sert de la matière mentale et de la matière astrale pour se façonner dans le temps une condition de vie qui est à la hauteur de ce corps de désir-là. Mais lorsque l'ego commence à perdre contrôle de son corps de désir parce que le doute devient très puissant, il se produit en lui une sorte d'ennui mental. L'ennui mental étant cette condition psychologique qui fait que c'est comme s'il vit dans le vide. Il peut avoir des idées, mais il ne peut pas les rendre. Il peut avoir des idées très intéressantes, il ne peut pas les rendre. On lui suggère des choses, il n'a pas le goût. Il semble qu'il n'est plus capable de faire sa vie comme il veut. Et c'est exactement ce que le double veut. Le double ne veut pas qu'il fasse sa vie comme il veut. Le double veut qu'il fasse sa vie comme il doit éventuellement la faire. Donc, le double veut amener l'ego à mourir, c'est-à-dire à ne plus être la partie de l'homme qui s'engage dans la vie, mais veut que l'homme en arrive à être suffisamment ajusté au niveau mental et au niveau émotionnel pour que ce soit lui, la partie réellement intelligente et réellement volontaire, qui prenne les décisions dans la vie à travers l'ego, qui est mu par des mécanismes mentaux et astraux, qui à ce moment-là sont ajustés à la lumière du double. Et ça, c'est pas facile. Je considère que c'est la partie la plus frustrante, c'est réellement frustrant, partie la plus frustrante de l'initiation. Ça peut varier en période. Il y a des gens qui peuvent le vivre sur une petite période, il y a des gens qui peuvent le vivre sur une plus grande période. Mais l'élément là-dedans qui permet que l'homme en arrive éventuellement à briser, à détruire cette frustration-là, c'est l'élément de la volonté. Si l'homme a de la volonté, il pourra briser le pouvoir du double sur l'astral. Et ça, c'est un point assez intéressant. C'est très beau parler du double, puis tout ça, puis des forces intérieures de l'homme qui agissent à travers l'ego et tout ça. Mais l'homme, ce n'est pas seulement le double. L'homme, c'est une totalité. L'homme, il est fait de matière, il est fait d'un corps mental, d'un corps astral, d'un corps d'un double éthérique qui est rendu lumineux, si vous voulez, éventuellement. Mais l'homme, c'est une totalité. Et l'homme ne peut pas indéfiniment subir le pouvoir du double sur sa conscience. À un certain moment donné, il faut que l'homme soit capable de briser le pouvoir du double sur la conscience. Et quand l'homme brise le pouvoir du double sur sa conscience, c'est à partir de ce moment-là qu'il prend conscience de son double. Il faut qu'il brise le pouvoir du double sur sa conscience pour qu'il prenne conscience de son double. S'il ne brise pas le pouvoir du double sur sa conscience, il est assujetti à son double et automatiquement il souffre dans le mental et dans l'émotionnel. S'il brise le pouvoir du double sur sa conscience, il prend conscience de son double, c'est-à-dire qu'il réalise sa volonté et son intelligence. Et c'est dans la réalisation de sa volonté réelle et de son intelligence réelle que l'homme prend conscience de son double et qu'ayant pris conscience de son double, il y a ajustement entre son ego et le double. Donc, sur le plan matériel, l'ego, l'homme matériel, devient créatif, actif et il fait sa vie, il organise sa vie comme il veut. Mais à ce moment-là, seulement peut-il organiser sa vie comme il veut. Mais le « comme il veut », c'est pas le même « comme il veut » qu'avant. Le « comme il veut » avant est en fonction de son corps de désir, tandis que maintenant, le « comme il veut » est en fonction de sa capacité de contrôler l'énergie du double, parce qu'il a subi suffisamment de transformations pour pas être pogné dans ses émotions égoïques ou son mental subjectif égoïque. Donc, il a fait descendre la volonté et l'intelligence dans la matière. Donc, à ce moment-là, il fait ce qu'il veut. Mais c'est un ce qu'il veut qui est beaucoup plus réel et intelligent que le ce qu'il veut d'avant. Autrement dit, l'homme qui a réussi à contrôler l'énergie du double et à s'en servir, ce qu'il doit faire, prend conscience de ce qu'il veut, mais il sait aussi en même temps, à cause de l'intelligence qui est dans le double, qui lui vient du double, que c'est pas tout de suite qu'il peut le faire. Il y a une information qui vient du double, mais c'est pas tout de suite qu'il peut le faire. Et la subtilité là-dedans est très grande. Il y a trois étapes dans la nature du désir humain. La première étape, c'est l'étape qui est totalement infantile, immature. Comment dire, l'étape inconsciente, où l'homme a l'impression qu'il fait ce qu'il veut. Ça, c'est le corps de désir qui rentre. Le corps astral. Ensuite, se conscientise l'homme et vit l'homme dans une période de transition où le double commence à prendre contrôle du corps astral. Et l'homme a encore l'impression, un petit peu, mais un petit peu moins, qu'il peut faire ce qu'il veut. Et ensuite vient la période où le double prend réellement contrôle de la conscience subjective de l'ego, autrement dit, à travers le corps astral, et à cause de sa vibration, c'est très facile à ce moment-là, parce qu'il y a eu une suffisance de changement vibratoire. Fait qu'à ce moment-là, là, l'ego, il n'est pas capable de faire ce qu'il veut comme avant. Il a beau vouloir, il a beau avoir des idées, comme tout semble tomber en panne autour de lui. Et là, il vit une période de stagnation apparente. Et pendant cette période de stagnation apparente, c'est très dur parce qu'il n'est pas habitué. Puis deuxièmement, parce que son intelligence n'est pas l'intelligence contrôle en lui. L'intelligence contrôle, c'est celle du double. Ce n'est pas l'intelligence contrôle qui vient de son corps mental intérieur. C'est l'intelligence contrôle qui vient du contact entre le double et son mental supérieur. Donc l'homme n'est plus capable, pour le moment, d'utiliser son intelligence qu'il avait avant, parce qu'il tombe sous le contrôle d'une autre intelligence. Il n'y a plus l'intelligence contrôle subjective, il y a l'intelligence contrôle objective. Alors, automatiquement, il ne peut pas faire ce qu'il veut quand il veut. Et deuxièmement, n'ayant pas cette intelligence contrôle, parce qu'elle est encore sous le contrôle du double, et que l'ego n'a pas réussi encore à comprendre le jeu du double, parce que l'ego n'a pas réussi encore à pouvoir se désemboîter de l'émotivité liée à l'inaction. Dans toute inaction, il y a une émotion. C'est seulement quand l'homme est très, très conscient que dans l'inaction, il n'y a pas d'émotion, donc il n'y a plus de souffrance dans l'inaction. C'est simplement un repos. L'inaction devient un repos. Mais tant que l'homme n'est pas suffisamment conscient de son double, l'inaction, dans l'inaction, il y a une émotivité qui est soit générée par le fait qu'il est inactif, donc il se fâche, ou qui est le produit d'une incapacité à cause d'un blocage astral quelconque. Alors, c'est seulement quand l'homme est conscient de son double que l'inaction est simplement une période pendant laquelle il se repose et où il ne souffre pas d'inaction, donc où il ne souffre pas de l'impression de ne pas faire quelque chose, donc il n'a pas la culpabilité de rien faire. Donc il est content de rien faire, il est bien à rien faire, il est conscient de rien faire, il veut rien faire, il n'y a rien à faire, il est bien de même. Mais avant que l'homme en arrive à être capable de vivre de l'influence du double sur son corps astral pour faire quelque chose ou rien faire, ça prend un ajustement du corps astral et cet ajustement-là crée en lui, pendant une certaine période de temps, l'ennui mental. L'ennui mental étant cette condition de l'ego qui est réduite à être anéanti par le pouvoir de l'intelligence vibratoire créative du double, mais non réfléchi par le mental humain. Donc, l'homme n'est pas capable de s'en servir. Pour que l'homme puisse se servir de l'énergie du double, il faut qu'il y ait réflexion de cette énergie dans le mental. Mais ce n'est pas la même réflexion qui existait avant. On va prendre le cas de Claude, à l'heure, qui vient parler. Quand on parle, il y a seulement une façon de parler. La meilleure et la plus parfaite façon de parler, c'est de parler. C'est de ne pas chercher à parler. Si tu cherches à parler, automatiquement, tu crées de la réflexion et automatiquement, tu diminues l'énergie vibratoire et créative du double, donc tu fais interférence avec le double, donc éventuellement, tu vas perdre le pouvoir de parler. Et dans l'action, c'est la même chose. On s'habitue à ça avec le temps. Mais quand l'homme commence à prendre conscience de l'inaction fixée par le double qui se sert ou qui neutralise son corps astral et qui neutralise son corps mental, parce que le double est capable de neutraliser le corps astral comme il est capable de neutraliser votre corps mental, comme il est capable de neutraliser votre corps physique, le double. Autrement dit, le double, quand il commence à

d'un tigre quelque part. Il doit être des tigres parmi nous autres. Mais sûr qu'ils ne sont pas. Les gens ne sont pas intelligents. Les gens retardent mon travail. Les gens retardent ce que j'ai dit. Les gens retardent ma parole. C'est le monde qui m'empêche de parler. Pas moi. Avec tout le feedback que j'ai, puis le feedback que j'ai. Heureusement que j'ai des bonnes oreilles. C'est inouï ce qu'on dit de ce que je dis. C'est inouï. Pourquoi? Parce qu'on fonctionne par association. On n'est pas dans notre intelligence. Fait qu'apprenez à prendre du recul quand je vous parle, surtout quand je vous parle de certaines choses, comme dans le... Quand je commence à expliquer la transmutation ou la transformation extrêmement rapide de l'homme de demain en fonction des structures de la cinquième race, prenez un break, prenez du recul, sachez que ce que je veux dire, c'est pas ça! Produit de l'action du double sur le corps astral et sur le corps mental et qui les sépare. Donc, avant, l'homme avait les deux corps ensemble, l'émotion et le mental sont ensemble. Fait que s'il était déprimé, tu disais, viens-t'en, m'a donné 25$, je vais t'amener aux vues. Fait que là, il était content, sa billette, puis aller aux vues. Parce que là, ton énergie activait son corps mental qui, éventuellement, faisait vibrer son corps émotionnel. Fait que aller aux vues. Mais quand tu te conscientises, tu es sous l'énergie de ton double, tu peux plus vivre ça. Fait que quand même, quelqu'un viendra et il dira, mais je vais te donner 20 000$. Il se passe plus rien. Parce que t'as plus d'intelligence mentale comme t'avais avant. Tu peux plus penser 25 000$ parce que ton mental est contrôlé par ton double. Il te fait penser ce qu'il veut, pas ce que tu pourras penser. T'as plus la mécanique, t'as plus la matière mentale pour penser avant, tu l'avais. Tu te disais, ben, c'est fantastique, tu me donnes 25 000$, tu te fermes les yeux, puis tu pensais à ça. Fait qu'automatiquement, t'agitais à ton corps astral. Mais là, t'es plus capable. Ils sont séparés. Ils ont été séparés par le double. Puis là, le double commence à prendre contrôle du corps mental. Puis quand le double prend contrôle du corps mental, qu'est-ce qui se passe? Le corps astral est obligé d'attendre l'information vibratoire qui vient du corps mental supérieur pour fonctionner. Donc, pendant cette période-là, il y a un ennui mental. C'est comme si tout est plat. T'as pas l'énergie pour faire ci, puis t'as pas l'énergie pour faire ça. Autrement dit, tu es obligé de vivre la condition, la situation vibratoirement. Mais un jour, tu n'as plein de casse de ça. Un jour, tu n'as plein de casse. Un jour, quand tu n'as plein de casse, là tu, c'est comme si tu forces le double là, à te rendre la liberté d'utiliser ton corps mental et ton corps émotionnel comme avant. Il va te la rendre, c'est assez fort. Mais l'utilisation ne sera jamais pareille comme avant. Autrement dit, si tu retournes dans l'activité, tu vas retourner dans l'activité consciente, c'est-à-dire que ton mental va être à sa place, ton émotionnel va être à sa place. Mais pour reprendre le contrôle du double sur le corps astral et sur le corps mental, il faut éventuellement avoir de la volonté et de l'intelligence. Mais là, vous allez dire, bien oui, mais si le double a pris contrôle du corps mental et du corps astral, comment est-ce qu'on peut avoir de la volonté et de l'intelligence? Ça, c'est un phénomène assez intéressant. Il existe dans la nature humaine inférieure, et ça, c'est dans le système nerveux de l'homme, au niveau cellulaire, au niveau moléculaire, au niveau atomique, au niveau du corps physique de l'homme. Il existe une énergie. Et cette énergie-là, c'est comme une énergie en réserve. C'est pas une énergie qu'on utilise d'habitude. Et c'est une énergie qui est très forte. Mais cette énergie-là, elle est perçue seulement quand on souffre. On ne l'aperçoit pas avant de souffrir. Il faut souffrir pour l'apercevoir, cette énergie-là. Et c'est la seule énergie qui nous permet de faire descendre instantanément l'énergie du double dans la matière pour que nous reprenions contrôle du mental et de l'émotionnel. Et cette énergie-là, elle n'est pas connue aujourd'hui sur la Terre parce qu'elle fait partie de la découverte par l'homme, des lois de l'homme. Et je vais donner un nom à cette énergie-là. C'est une quelqu'un. C'est une énergie qui naît du magnétisme de l'homme, du magnétisme qui est contenu dans sa structure matérielle. Il y a du magnétisme dans la structure matérielle de l'homme, qui est mélangé avec son électricité, son électrique, et c'est cette énergie-là qui permet à l'homme de reprendre contrôle du double. Et si je vous disais que les gens qui se suicident, s'ils avaient conscience de cette énergie-là, ils pourraient reprendre le contrôle du corps astral ou des entités astrales qui l'invitent à se suicider. Et pour prendre contrôle de cette énergie-là, il faut s'occuper seulement d'une chose, de la matière. Si vous faites moyennement, le moindrement erreur de ne pas prendre conscience de votre matière, vous ne pourrez pas prendre contrôle de cette énergie-là et le double va continuer à travailler, séparer le mental, séparer l'astral, et vous allez continuer à demeurer végétatif et vous pouvez continuer comme ça pendant des années. C'est très abstrait ce que je vous dis. C'est très abstrait ce que je vous dis. C'est bien dur de vous donner des exemples. Je peux vous en donner un exemple, mais j'ai ça créer des chocs. Ça, là, c'est moi, ça, qui le fait. Comprends-tu ce que je veux dire? Quand je dis c'est moi, là, ça, c'est moi. C'est moi. C'est pas mon double, là. Tu comprends-tu? C'est moi. Comprends-tu ce que je veux dire? C'est moi. C'est pas mon double. C'est moi qui prends l'énergie de mon double et qui le fait. Pardon? Non. Qu'est-ce que tu dis? Non. Puis aujourd'hui, l'énergie de la colère, je l'ai vécue quand j'ai fait le grand mouvement. Fait qu'aujourd'hui, j'ai pu vivre l'énergie de la colère pour le faire. Je le fais sans colère. Non, c'est même pas l'énergie de la volonté. Hein? C'est l'énergie. Il y a d'autres choses. Non. Il y a d'autres choses. C'est bien. Tu sais, j'en ai jamais parlé de ça. Je ne sais pas en quoi vous pensez ça. Hein? Non. C'est ça. C'est exactement ça. Je reproduis un geste sans émotion. Et quand je reproduis un geste sans émotion, qu'est-ce que je fais? Je force l'énergie, qui est au niveau du double, à descendre sur le plan matériel et de remplir le rôle que moi je veux. Et le rôle que je veux, c'est le rôle que... Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Comment vous avez expliqué ça? Ouais, ok. Je veux prendre ça parce que c'est ça là qui se passe. Il faut que j'essaie de l'expliquer pour le comprendre. Là. Tu reproduis un geste sans émotion. Puis quand tu reproduis un geste sans émotion, tu te sers de ton énergie magnétique, électrique, moléculaire. Tu ne te sers pas de ton énergie émotionnelle, astrale. L'ego s'accapare de son énergie réelle pour fonctionner, quoi? Intelligemment. Pour faire ce qu'il veut. Ouais. Oui, mais au début, on n'est pas habitué à ça. Et pour la faire, au début, on est obligé de faire la colère en dedans. Mais ça, ça crée des chocs. C'est fatigant. Puis éventuellement, on est capable de le faire sans colère. Il n'y a rien. Il n'y a pas de vibration astrale, il n'y a pas de vibration émotionnelle. T'es pas obligé de le faire. Tu le fais rien que si tu veux, mais si tu le fais, c'est très fort. Parce que tu choisis la condition toi-même de le faire. Comprends-tu, je dis? Tandis qu'avant, à cause du pouvoir du double qui sépare l'astral du mental, c'est le double qui choisit la condition de le faire. Donc, tu crées des chocs. Mais t'es pas intéressé de créer des chocs. Quand tu crées des chocs, quand t'es dans ta matière et tu crées des chocs, c'est pas intéressant. Le monde se demande ce qui se passe. Tu crées des chocs au monde, ça te crée un feedback. Donc, quand tu crées des chocs, t'as toujours une souffrance. Comprends-tu, je veux dire? Mais quand on vient là, il vient un point où on... Là, peut-être ça crée un choc parce que c'est un mouvement inusité, c'est une chose qu'on fait pas. Mais il vient un point où tu fais une action, il y a dedans aucune émotion, autrement dit, tu ne te sers pas de ton corps astral pour le faire. C'est ça que je veux dire. Ouais. C'est la gratuité du geste. Tu ne te sers pas de ton corps astral pour le faire. Si tu ne te sers pas de ton corps astral pour le faire, tu ne crées pas de choc. Tu vas créer une cochon quoi? Non. Non. Quoi? Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. T'es plus prisonnier du double, parce qu'on est prisonnier d'abord de l'astral, l'inconscient. Ensuite, on devient prisonnier du double, l'initiation. Puis c'est l'homme lui-même qui doit en arriver à détruire l'initiation, parce que l'initiation, c'est pas bon. L'initiation, c'est pas bon parce que quand l'homme est dans l'initiation, il est incapable d'être humain. Il est un petit peu entre les deux. Tu peux pas être humain quand tu es en initiation. Tu pars de l'humain et tu t'en vas vers d'autres choses. Tu peux pas vivre quand tu es en initiation. Tu sais? Tu es comme sur le bloc d'une expérience bien, bien particulière. Mais tu es sur le bloc pareil. Puis un jour, il faut que tu t'en sortes du bloc. Alors, naturellement, la souffrance te fait sortir du bloc quand tu sors. Quand tu es suffisamment... Maudit, je plains vite. La souffrance te fait sortir du bloc quand tu es suffisamment... Merci. Elle te fait sortir du bloc quand tu es suffisamment conscient des illusions spirituelles. Mais tu es encore sur le bloc. Puis un jour, il faut que tu sois plus pantoute sur le bloc. Pis c'est là que tu commences à prendre conscience pendant que tu es dans la matière. Que c'est ton double qui doit être corrompu. Ton double, là, autant il est lumineux, il doit être rendu moins lumineux. Mais ça, c'est simplement une illusion de langage. Quand l'homme commence à se servir de son énergie matérielle, il corrompt le double. Il force le double à descendre encore plus bas dans la matière. C'est le début du pouvoir. C'est le début du pouvoir. Il commence à le forcer à descendre dans la matière pour qu'un jour, puis il est là le point que je veux faire, pour qu'un jour, il soit tellement près de la matière, le double, que si l'homme dit à la table, va-t'en là, elle s'en va là. Il n'y a aucun effort. Il n'y a aucune émotion. Le double est rendu dans la matière. Il est réellement rendu dans la matière. Mais il ne faut pas qu'il y ait aucune émotivité. Alors, il faut que l'homme, à un certain moment, soit capable de prendre conscience de la dernière couche de son énergie, qui est son énergie électromagnétique, mais manifestée à travers son système nerveux et non manifestée à travers le truchement du mental ou du corps astral. Autrement dit, il ne faut pas qu'il y ait ni rime, ni raison à l'action, il ne faut qu'il n'y ait que du mouvement. S'il y a moindrement... C'est bien subtil, ça. Prenez donc vos verres. Prenez vos verres dans vos mains. Je vais pas faire de 16, là. Prenez vos verres dans vos mains, là. Un, c'est assez. Prenez vos verres dans vos mains, puis essayez de mesurer votre capacité de le faire éclater fort contre la terre. Sans vous occuper d'absolument rien. Occupez-vous pas de la personne à côté de vous si vous allez être salé. OK. Ça en a pris un pour déclencher l'affaire. Tout le reste astral. Tout le reste, c'est astral. C'est de la copie d'un geste. Parce que l'esprit ne se répète jamais. Quoi? Il y a toujours une petite niaiserie entre le double et l'ego. Ouais, ça l'a tué, ça. C'est bien subtil, ça. Très, très subtil. Je vous demanderais de m'apporter peut-être 25 cents chaque, là, ceux qui ont cassé des verres. Bon, on va y mettre pour payer la maison. Mettez-les ici. Qui c'est qui va s'occuper de ça? Par gentillesse pour la maison. Alors, c'est très, très subtil, ça. Très subtil. Et c'est à ce point-là, là, c'est à ce point-là que l'homme, un jour, va réaliser qu'il a conscience totale. À ce moment-là, il n'est plus prisonnier de l'astral, il n'est plus inconscient, il n'est plus prisonnier du double, autrement dit, il n'est plus en initiation. Il a retenu son énergie magnétique, qui fait partie de quoi? L'énergie de votre corps physique, l'énergie de votre système nerveux, ainsi de suite, elle fait partie de quoi? Hein? Elle fait partie de la vie ici. Elle fait partie de la conscience planétaire. C'est terminé? Elle fait partie de la conscience planétaire. Et un jour, l'humanité, l'homme, un jour, se servira de l'énergie planétaire. Et on sait combien vaste est l'énergie planétaire, combien vaste est la planète. Et l'homme, un jour, se servira de l'énergie planétaire. C'est pour ça que l'homme, un jour, pourra maîtriser les éléments sur la Terre. Parce qu'il pourra manipuler cette énergie-là, mais il ne peut pas la faire tant qu'il n'a pas totalement contrôle de son double et tant qu'il n'est pas totalement sorti naturellement de son inconscience astrale. Donc, le double, lui, il détruit la conscience astrale. Ensuite, lui, il prend contrôle de l'homme. Ensuite, l'homme, il faut qu'il prenne contrôle du double. C'est à ce moment-là que l'homme détruit, arrête, cesse complètement l'initiation. Et c'est à ce moment-là que les pouvoirs du double se passent à travers toute la conscience atomique de l'homme et que l'homme a le pouvoir sur la matière. Parce que c'est très subtil, le phénomène de la volonté. Le phénomène de la volonté qui nous a été enseigné dans les écoles ésotériques, dans les arcanes, depuis des millénaires, c'est une illusion. Ceux qui sont un petit peu plus... avancé là, dans la pensée occulte, là, Le phénomène de la volonté, c'est une illusion pour deux raisons. Parce que la matière, quand elle est composée, déjà elle est complète. Donc déjà elle possède tout le système d'énergie dont elle a besoin pour bien fonctionner. La raison pour laquelle l'homme a été obligé de se servir de la volonté, c'est parce que l'homme devait sortir de la matière pour retrouver d'une façon infinitésimale un peu de son double. Sans ça, l'homme aurait été prisonnier de l'astral. Il n'y aurait jamais eu d'évolution. Donc, l'homme prenait un petit peu de son double. Mais la volonté que l'homme allait chercher dans son double, elle n'était pas totale. Elle était conditionnée par le double. Elle était soumise aux lois du double. Donc, elle était contrôlée par l'intelligence du double. Donc, la destinée de l'homme, le pouvoir de l'homme dans la matière, était toujours contrôlé à partir de l'éther. Tout le temps. Et comme la vie de l'homme est contrôlée à partir de l'éther, l'homme est toujours assujetti et prisonnier de son double. Et un jour, il faut que l'homme ne soit plus prisonnier de son double pour pouvoir vivre dans la matière. Le pouvoir du double qui est la volonté et l'intelligence du double qui est son intelligence à lui. Sinon, l'homme ne pourra jamais dématérialiser son corps physique parce que la conscience du double doit se réimprimer dans la matière du corps physique pour que le corps physique devienne éventuellement tellement vibrant que l'homme, voulant changer de plan, il change à volonté, mais sans quoi? Bon, je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire, là. Moi, je vous parle, hein? Je vous parle. Puis, vient un point, là, je suis plus capable de vous parler. Je suis obligé de vous demander à vous autres de me donner une réponse. Pourquoi est-ce que moi, je ne serais pas capable de... Je suis capable de continuer à parler, mais il faudrait que je crée un choc. Autrement dit, la vie... Écoutez bien ça. La vibration du double, elle est tellement grande. C'est tellement fort, le double, que ça va me prendre à peu près un autre 18 ans avant de l'avoir totalement contrôlé. Ça va me prendre 18 ans avant de l'avoir totalement contrôlé. Mais quand je vais l'avoir totalement contrôlé, tout ce qui est dans le double va être imprimé dans mon neurone, dans mon cerveau. Alors, quand tout ce qui est dans le double sera imprimé dans mon cerveau, à ce moment-là, je serai un scientiste. Parfait. Autrement dit, toute la connaissance du double sera imprimée dans le cerveau. Les gens me demandent des fois comment ça se fait qu'on n'a pas, qu'on s'arrête 10% de notre cerveau, c'est pour ça. Parce que le double n'est pas imprimé dedans. Il y a rien qu'une petite partie du double qui est imprimée dans notre cerveau. Donc, tout le reste ne l'est pas. Et c'est ça que l'homme doit un jour en arriver à vivre l'impression totale de son double dans son cerveau. Et à ce moment-là, l'homme sera cosmique. Les extraterrestres fonctionnent comme ça. Tout est dans leur cerveau imprimé. Donc, quand ils viennent ici, ils commandent la matière. Quand ils veulent se déplacer, quand ils veulent voyager, ils se créent des engins à la connaissance de leur conscience cosmique qui est imprimée dans leur cerveau. Autrement dit, ce sont des êtres qui sont à la fois matériels et à la fois éthériques. Ce sont des êtres qui, selon leur volonté, peuvent sortir de leur corps matériel et rentrer dans l'éther. Ce sont des êtres qui peuvent partir d'une planète et arriver ici à l'intérieur de 2 semaines avec des systèmes qui font partie de la connaissance du double, mais qui n'est imprimé dans le cerveau humain au niveau de la civilisation que lorsque suffisante évolution a été faite. Puis ça, c'est un des plus grands mystères de l'évolution. Ça. Ah, moi je vous parle, puis je devrais être capable de vous parler pendant des heures et des heures et des heures et des jours et des jours et des nuits et des nuits et des mois sans arrêter. Mais pourquoi est-ce que je peux pas? Parce que le double me contrôle encore. Comprenez-vous? Et si j'avais le pouvoir de vous parler 100 fois plus, 1000 fois plus, puis vous dire 1000 fois plus que ce que je vous dis, vos vibrations changeraient comme ça. Mais je peux pas, parce que c'est le double qui contrôle. C'est pour ça que l'évolution de l'homme, la naissance du surhomme sur la Terre fait partie d'un processus d'évolution qui va très très rapidement maintenant, et qu'un jour, quand ça va éclater, quand ça va se faire, quand il y aura sur la Terre un surhomme, il y aura sur la Terre en même temps plusieurs surhommes. Parce que le pouvoir qui sera dans l'homme sera instantanément transmis aux autres. L'homme se donnera la royauté de sa liberté. Il se donnera le droit de sa liberté. L'homme, pas le double. L'homme doit aller chercher dans le double, dans l'éther, l'énergie dont il aura besoin demain dans la matière pour donner aux êtres humains, à ceux qui seront suffisamment avancés, le pouvoir du double. C'est la fusion parfaite. Exactement. Exactement. La fusion parfaite et la fusion totale. Alors ce point-là, il est très important. Il est très important parce que c'est la fondation même de la conscience du surhomme. C'est pour ça que vos expériences de vie, dans vos expériences de vie, vous êtes assujetti à des conditions qui sont souffrantes. Parce que le double vous empêche de faire ce que vous voulez. Et l'homme, quand il est inconscient, c'est pas que le double l'empêche de faire ce qu'il veut, c'est que les forces astrales sont tellement grandes qu'il vit sa vie inconsciemment, donc il vit pas avec intelligence, donc sa vie est réellement réduite. Ensuite vient le temps où le double commence à séparer les deux, commence à prendre le contrôle sur l'ego, et c'est encore la même chose, seulement cette fois-ci avec plus d'intelligence. Mais l'intelligence partielle que vit l'homme dans son contact entre le double et son cerveau physique s'est passée. Un jour, il faut que l'homme ait toute l'intelligence du double, autrement dit, il faut que la fusion soit totale, comme dit la dame, et quand la fusion sera totale, c'est là qu'on pourra dire qu'il existe sur la Terre un gouvernement invisible, que l'homme est totalement en contrôle de ses forces et que l'homme est prêt à vivre sa vie évolutive de la même façon que d'autres hommes sur d'autres planètes le vivent, et à ce moment-là, l'homme pourra être en contact avec ces intelligences-là et les faire venir. Parce que toute matière a une vibration. Toute matière. Ça a une vibration, ça a une vibration, la table a une vibration. Et le double sait la vibration du paquet de cigarettes. Là. Le double, il sait, lui. Mais il faut éventuellement que l'homme le sache. Et pour que l'homme le sache, il faut que la vibration, autrement dit, que la connaissance du double, la connaissance vibratoire du double, soit imprimée dans son cerveau. C'est là que l'homme contrôle la matière. L'homme ne peut pas contrôler la matière sans que cette connaissance-là, qui fait partie du double, soit imprimée dans son cerveau. Et c'est là qu'il y aura sur la table une très, très grande science. C'est pour ça que je vous dis, en attendant, dans vos expériences de vie de tous les jours, vous allez vivre le pouvoir du double sur votre personne. Et petit à petit, vous allez le briser. Vous allez le briser. Puis il est très fort, donc vous ne pouvez pas le briser avant le temps. Briser. Vous allez briser. Mais il va venir un point où il va être suffisamment réduit pour que vous puissiez être bien dans votre peau. Mais ça ne sera pas fini. Mais il sera suffisamment brisé pour qu'il y ait équilibre entre vous et lui. Là, à ce moment-là, vous serez bien dans votre peau. C'est à peu près au stage où j'en suis rendu, moi, aujourd'hui. Je suis bien dans ma peau. Mais c'est passé. Il faut éventuellement que toute son énergie soit imprimée dans le cerveau pour que le cerveau humain fonctionne à 100% et que toutes les neurones soient développées. Donc, imaginez-vous le bagage auquel l'homme de demain aura accès. C'est pour ça que l'homme étudiera plus. C'est une insulte pour l'homme d'être dominé de quelque façon que ce soit. C'est terrible pour l'homme d'être dominé quand il est inconscient, par l'astral. C'est une insulte pour l'homme d'être dominé par le double quand il se conscientise. Et ça demeurera une insulte pour l'homme d'être dominé tant qu'il ne sera pas suffisamment dans sa peau pour pouvoir bénéficier du double. Moi, je bénéficie aujourd'hui de mon double. Mais je ne bénéficie pas de mon double comme je bénéficierai de mon double demain. Mais ça, l'homme n'y peut rien. Parce que l'homme ne peut pas forcer ne peut pas forcer... Ah, ça, c'est bien intéressant. L'homme ne peut pas forcer la descente de l'énergie du double dans son corps, dans sa matière. Autrement que l'énergie que le double bloque au niveau du corps astral et du corps mental. Autrement dit, l'homme est capable de forcer le double à lui redonner l'équilibre qu'il avait avant, ou qu'il aurait dû optimalement avoir avant, eu avant. Mais il n'est pas capable de forcer le double de lui donner plus que ça. Exemple. Ça, c'est comme si vous alliez dans un casino. Tu vas dans un casino, tu perds. Écoutez bien ça, là. Tu perds. Le gars, il est gentil. Il te redonne ton argent. Mais il ne te redonnera pas plus que ce que tu as perdu. Et c'est exactement la situation de l'homme vis-à-vis la confrontation entre le double et le cerveau humain. C'est que le double va redonner à l'homme ce qu'il a perdu. Moi, le double m'a redonné tout ce que j'ai perdu, mais il ne me donnera pas plus. C'est dans son temps qu'il me donnera le reste, parce que le double, selon l'homme, mon double, mon esprit est un esprit très évolué, dans ce sens que mon esprit est un esprit qui a une grande régence planétaire. Et c'est lui qui décide quand les choses se feront. Donc, moi, en tant qu'homme, je ne peux pas forcer mon esprit à régir avant le temps. Ça, c'est correct, ça a du bon sens. Anyway, je peux intéresser, moi, en tant qu'ego, à vivre sa régence. Anyway, pour que je vive sa régence, moi, il faut que j'ai les pleins pouvoirs sur la matière à tous les niveaux. Là, à ce moment-là, il y a un équilibre total entre la matière et l'esprit. Ça vient avec les années. Mais in the meantime, moi, je vais avoir la paix. Je veux jouer au pool. Je veux prendre un petit gin and tonic de temps en temps. Je veux pouvoir vivre comme un homme ordinaire. Comme j'étais un homme ordinaire avant fusion, là, je redeviens un homme ordinaire. Puis le fait que je redeviens un homme ordinaire, ça me permet de bénéficier un peu de mon double et de vivre sur le plan matériel avec suffisamment de confort et d'intelligence dans l'organisation de ma vie pour que la vie vaille la peine d'être vécue. Sans ça, ma vie ne vaudra pas la peine d'être vécue. Et, alors, c'est un petit peu comme ça. Mais le double va vous redonner ce qu'il va vous avoir enlevé quand vous aurez fait la colère intérieure. Mais après ça, vous allez être stabilisé, puis là, il vous redonnera probablement presque rien jusqu'à la fin du cycle. Et à la fin du cycle, les hommes, à ce moment-là, à cause de la fusion totale, à ce moment-là, les hommes qui auront été préparés dans la vibration du double, la connexion se fera mondialement, et ces gens-là se reconnaîtront, rencontreront et iront où ils doivent aller, parce que les portes de la Terre s'ouvriront à eux. Et quand je dis les portes de la Terre, je dis les grandes profondeurs de la Terre s'ouvriront au pouvoir du double sur la matière à travers l'ego, qui pourra convenir de tous les secrets de la matière et qui pourra, en tant que société humaine, s'éloigner complètement et en très grande profondeur dans le sein du globe pour se protéger contre la fin du cycle. J'ai la bande de choses aujourd'hui. Bon, vous vivez le combat avec l'astral. Quand vous commencez à vivre le combat avec l'astral, vous commencez à vivre la pénétration du double. C'est la pénétration du double qui crée le combat avec l'astral. Parce que vous devenez un petit peu plus intelligent. L'intelligence, elle vient du double. La volonté, elle vient du double. Bon. Puis après ça, ça s'égalise. Vous avez le combat avec le double, la colère, j'appelle, là, la maudite colère, là, tu sais, tu n'as plein de casse, là, tu sais, bon, ça. Puis après ça, ben, ça s'égalise, puis après ça, ben, t'es bien. Tu peux rester de même pendant des années de temps. Moi, ma vie aujourd'hui ne pourrait changer pendant 20 ans, je serais très bien. Je serais très bien. Parce que astralement, je fonctionne plus. Donc, automatiquement, mon corps de désir, j'en ai pas. Donc, automatiquement, j'ai pas de tension à ce niveau-là. L'intelligence créative est là, la volonté est là, donc je peux me donner sur le plan matériel ce que j'ai de besoin. Donc automatiquement, la liberté de vie que j'ai, mais ça me permet de pouvoir continuer pendant un certain nombre d'années, jusqu'à temps que l'esprit soit intéressé à régir, c'est-à-dire faire la fusion totale pour que la nouvelle race commence. À ce moment-là, je prendrai ma place dans l'échelle des choses et je ferai ce que j'ai à faire, mais je ne souffrirai pas d'être ce que je suis. Alors, la dernière constatation de l'homme, c'est de réaliser qu'un jour, l'initiation doit cesser. Et elle cesse, l'initiation, à ce moment-là, quand il y a un équilibre entre le double et lui. Mais ça ne veut pas dire que la fusion est totale. Elle est partielle. Et c'est juste quand le temps vient pour la fin du cycle que le fusionnement total se fait. Donc c'est pour ça que c'est très important pour vous autres de comprendre comment vous fonctionnez quand vous avez un ennui mental ou quand vous êtes bloqué ou quand vous êtes barré. Ça crée une pression, puis éventuellement, mais vous faites descendre l'énergie, il y a un équilibre qui s'établit entre vous et le double, puis là, vous commencez à vivre comme du monde. Ça peut durer le nombre d'années que ça durera. Ça se comprend-tu, justement? Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que l'homme réalisera un jour que la connaissance doit être imprimée dans son cerveau. Et quand les connaissances sont imprimées dans le cerveau de l'homme, il n'y a plus besoin d'avoir peur de ne pas en avoir. Il n'y a plus besoin d'avoir peur de ne pas en avoir. Il n'y a plus besoin d'avoir peur d'une insuffisance quelconque. Parce que l'équilibre entre le double et l'ego est fait. À ce moment-là, tu as toujours la connaissance que tu as besoin, mais tu n'as pas plus que ce que tu as besoin. C'est seulement un jour, lorsque la mutation sera totale, que l'homme aura la connaissance à l'échelle cosmique, que l'homme sera cosmique, et que l'homme connaîtra tout, comprendra tout des mystères de la planète, de la vie, du passé, du futur, de la lumière et de l'énergie. C'est là que l'homme créera de très, très, une très grande civilisation. Son cerveau fonctionnera à 100%. Quand l'homme commence à prendre conscience dans son cerveau, quand le double commence à s'imprimer beaucoup dans son cerveau, l'homme commence à réaliser que sa valeur doit être totale. Il ne peut pas avoir une valeur seulement astrale, spirituelle ou mentale ou supramentale. Il doit avoir une valeur physique aussi. Tout. L'homme, tous les 7 plans de l'homme sont d'extrême importance. Et quand l'homme commence à réaliser que tous ces 7 plans sont importants, là, des illusions, il n'y en a plus. Il fait ce qu'il veut, selon ce qu'il peut, et il ne se laisse pas déranger par la façon dont les gens pensent de lui. Il fait ce qu'il veut. Là, c'est l'équilibre. Eh bien, il est temps. Parce que la domination des esprits dans l'astral, ou la domination de l'esprit à travers le double, c'est une domination. Et l'homme, un jour, ne doit plus vivre aucune domination. Et quand l'équilibre est établi, mais là, il ne souffre plus de la domination. Moi, je suis encore dominé par mon double, mais j'en souffre pas, parce qu'il m'a redonné ce qu'il m'a enlevé. Mais je l'ai forcé à me redonner ce qu'il m'a enlevé. Mais pour forcer le double à te redonner ce qu'il t'a enlevé, il faut que tu aies une grande volonté puis une grande intelligence. Autrement dit, il faut que tu te sers de ce qui est imprimé dans ton cerveau. Si tu ne te sers pas de ce qui est imprimé dans ton cerveau et que tu retournes à la mémoire de tes émotions, t'es foutu. C'est un one-track mind, le double. C'est un one-track mind. Alors, l'homme doit se servir de ce que le double a imprimé dans son cerveau. Et quand l'homme est capable de se servir de tout ce que le double a imprimé dans son cerveau, on dirait qu'il y a quasiment plus de distance entre lui en tant qu'homme matériel et le double qui est l'homme lumineux. Il n'y a presque pas de distance. Il y en a une, mais il n'y en a presque pas. Puis ce qui fait qu'il n'y en a presque pas, c'est ça qui lui permet d'être bien dans sa peau, puis de vivre, puis faire ce qu'il veut, puis d'être ce que vous appelez vous autres heureux, mais à un autre niveau. Mais il faut qu'il serve de ce qui est imprimé par le double dans son cerveau. Autrement dit, il faut qu'il se serve de toute l'intelligence qu'il a et de toute la volonté qu'il a, présentement. Si vous ne vous servez pas de toute l'intelligence que vous avez, de toute la volonté que vous avez, parce que vous avez encore de l'émotion, à ce moment-là, c'est là que vous êtes obligé d'avoir un petit peu plus d'intelligence, puis un petit peu plus de volonté. Autrement dit, il va vous imprimer un petit peu plus de volonté, puis un petit peu plus d'intelligence. Donc, vous allez souffrir un petit peu plus. Donc, un jour plus tard, vous allez faire la colère. Un jour plus tard, vous allez la faire descendre, cette énergie-là. Vous allez vous en servir. À ce moment-là, vous allez commencer à vivre. Vous allez commencer à détruire tout ce qui est initiatique dans vous. L'initiation, c'est une insulte à l'homme. L'initiation, c'est une insulte à l'homme, c'est nécessaire pour l'homme, c'est une très grande insulte pour l'homme conscient, c'est un grand désir spirituel pour l'homme ignorant, puis c'est à peu près ça. C'est une insulte à l'homme conscient initial. C'est tellement fort, puis je vous laisse sur ces paroles-là, c'est tellement fort que j'ai fait un contrat personnel avec mon double. Parce que quand tu rencontres ton double au début d'une fusion, c'est pas pareil, c'est trop fort, t'es pas conscient, t'as pas souffert. Fait que le double, tu le rencontres, là, c'est toute une expérience. Mais il vient qu'une fois, il vient pas deux fois. Quand il revient, c'est la fusion totale. Fait qu'il vient, comme dans mon cas, au début de la fusion, instantané, après ça, les grandes souffrances. Puis à travers des souffrances, j'ai dit, quand je te reverrai, je te cracherai dans la face. Ça veut dire que quand je te reverrai, l'homme prendra possession de sa lumière. Ah, c'est un symbole, c'est symbolique, mais pour moi, c'est réel. Quand je te reverrai, je te cracherai dans la face, ça veut dire que tu n'auras plus de domination sur ma personne humaine, dans la matière. À ce moment-là, moi, en tant qu'homme, je ferai ce que je veux avec ta lumière, ton énergie. Et c'est ça, le grand secret que l'homme découvrira un jour. Tu dépersonnalises le double, alors quand tu dépersonnalises le double, tu le rends totalement énergétique, totalement atomique, il rentre dans ta constitution matérielle. Tu es ça. Fait que si jamais un jour vous voyez un homme dans le monde qui est lumière dans le monde, vous saurez ce que je voulais dire dans le passé.